Cette semaine, La vie en BD, André-Philippe Côté du dessin à la peinture, Jean-Dominique Leduc, sentinelle du 9e art et les rendez-vous de la BD avec Michel Giguère. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier au micro. Avec vous, comme d'habitude, jusqu'à 18h30 pour cette heure consacrée à l'univers du 9e art. Toujours évidemment un plaisir de vous y retrouver. Et évidemment, une émission toujours bien remplie, bien chargée cette semaine avec plusieurs invités, plusieurs rencontres, plusieurs discussions. Notamment, on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure avec Jean-Dominique Leduc, alors chroniqueur BD dans différents médias qui, en avril dernier, a lancé un magazine qui s'appelle Sentinelle via sa maison d'édition Mémoire. Donc, un magazine qui est consacré justement à l'analyse, au regard, à la critique, à la réflexion autour du 9e art pour ajouter justement à ce que, on en discutera avec lui, mais ce qui pouvait peut-être être constituer un vide autour justement d'articles peut-être un peu plus de fond dans un milieu qui bien souvent est peut-être un peu trop marqué et rythmé par l'actualité, par la quête de nouveautés. Également en fin d'émission, on aura l'occasion d'échanger avec Michel Giguère, toujours autour évidemment des rendez-vous de la bande dessinée. Cette semaine, il nous parle d'imaginaire débridé et d'imaginaire transposé, le merveilleux, le fantastique et la science-fiction de l'œuvre littéraire vers la bande dessinée. Alors ça, c'est notre deuxième moitié d'émission. En première moitié, donc dans quelques instants, on aura le plaisir d'échanger avec André-Philippe Côté, qu'on connaît pour son travail de dessin, son travail d'illustration, son travail de caricature, et qu'on découvre dans son travail de peinture avec une monographie qui s'appelle L'autre côté du côté des éditions Alto. Alors, on en discute avec lui dans quelques instants. Sinon, dans l'actualité, cette semaine, quelques décès à signaler. Tout d'abord, Herb Trimpe, qui a été remarqué notamment là pour son travail sur plusieurs séries Marvel. On pense à Hulk, on pense à Wolverine également. Alors, il est passé vraiment d'une série à l'autre à partir des années 1975, collaboré dans la sphère justement des super-héros jusqu'en 1996, au moment où il a été licencié par Marvel. Il a offert ces dernières années quelques publications chez Dark Horse, Image ou IDW Publishing. Ses dernières planches, c'est dans le numéro 200 de Savage Dragon d'Eric Larson. Autre décès, celui d'un des maîtres australiens de la BD, Jean-Luc Dionnet nous en avait prévenu. Donc John Dixon, l'un des plus célèbres dessinateurs de bande dessinée australienne, maître du comic strip avec sa série d'aventures Air Hawk and the Flying Doctors, donc est décédé le 7 mai dernier à l'âge de 86 ans. Donc un notule qu'on a eu via bdzoom.com. Sinon, dans l'actualité, évidemment, difficile de passer à côté, le Festival de la bande dessinée de Montréal a dévoilé la programmation de sa 4e édition qui aura lieu du 29 au 31 mai prochain. Alors toujours, si on passe dans le coin de la métropole, évidemment, donc un rendez-vous en plein cœur du parc La Fontaine pour une série de séances de dédicaces. Vraiment un événement qui est centré justement sur l'idée de rencontre, sur l'idée de dédicaces, rencontre entre lecteurs et auteurs. Et une grosse nouveauté de leur côté, dans la mesure où ce n'est plus désormais un festival BD exclusivement dédié aux publications francophones. Donc ils développent un volet bilingue. Alors le Festival BD de Montréal devient aussi le Montreal Comic Arts Festival. Donc, on annonce une programmation diversifiée, multilingue et évidemment internationale. Et donc, on parle notamment d'une affiche quand même assez solide là, qui a été réalisée par l'incontournable dessinateur canadien Seth, qui va passer du côté de la métropole pour parler de Palookaville et du documentaire Dominion. Il y aura évidemment belle présence anglophone, une présence belge aussi qui est annoncée, présence camerounaise également avec Aliens et une délégation d'artistes algériens qui vont être de passage, et évidemment aussi plusieurs auteurs québécois, que ce soit Alex A, Michel Garabagliati et plusieurs autres qui seront de passage pour l'événement. Alors voilà pour donc cette programmation du Festival de BD Montréal. Vous pouvez évidemment la trouver sur le web, donc c'est fbdm-montréal.com pour le détail. Alors nous, en musique cette semaine, on écoute un petit extrait, tiens, pourquoi pas aller lorgner du côté de Millimétrique. Toujours l'écoute de la vie en BD, en vous rappelant d'ailleurs que vous pouvez réécouter l'ensemble des émissions qu'on vous propose. Elles sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et tel que mentionné, on connaît l'auteur André-Philippe Côté, notamment pour son travail d'illustrateur et de caricaturiste dans une multitude de publications, entre autres, évidemment, Le Soleil, où il se retrouve quotidiennement ou presque. On le connaît également pour ses BD Dr. Smog, pour d'autres travaux en ce sens, et on découvre donc son travail de peintre avec L'Autre Côté, donc une monographie qui est disponible chez Alto. Il est avec nous pour en parler, André-Philippe Côté, bonjour. Oui, bonjour. Et évidemment, donc, quand on creuse, quand on regarde un peu au-delà de votre travail peut-être le plus visible, votre travail de dessinateur, d'illustrateur, caricaturiste, autour duquel vous avez développé un style qui est bien reconnaissable, on découvre aussi d'autres facettes de votre travail, d'autres approches visuelles que vous avez préconisées, explorées au fil des ans, que ce soit au début de votre carrière, je pense à l'Homo Graffiti disponible chez Moelle Graphique, oui. Et maintenant avec L'Autre Côté chez Alto, qui se fait un peu écho à cette recherche parallèle au niveau graphique visuel. Ben, j'ai toujours eu des activités qu'on pourrait dire parallèles. C'est comme j'ai toujours eu besoin d'avoir... j'ai soit travaillé sur contrat, comme par exemple à Safari, j'avais des contraintes très fortes de 7, 8, 9 pages par mois. Au Journal Le Soleil, c'est des contraintes quotidiennes. J'ai toujours... c'est comme un effet de compensation, c'est pour d'avoir des œuvres où j'ai pas de contraintes d'ordre de temps ni commercial ni mercantile, c'est-à-dire que c'est des œuvres que je fais chez moi à un rythme qui me convienne. Je définis moi-même tous les paramètres, toutes les contraintes, donc ça me suit depuis toujours. Il y a eu des albums comme Castello, Victor Rivière qui s'inscrivaient dans cette catégorie-là de travail, de travaux parallèles. Oui, en fait, c'est dans le fond une volonté de donner plusieurs terrains de jeu, plusieurs dessins, plusieurs terrains d'exploration, une nécessité peut-être aussi. Oui, mais ça, c'est d'exploration parce que juste dans le cas de la caricature, par exemple, le temps étant très, très serré, la pression, tout ça, finalement, on peut avoir tendance à revenir vers des formules qu'on maîtrise bien parce qu'il faut qu'on livre rapidement chaque jour. Puis pour pouvoir sortir des fois de ces formules-là, il faut faire des choses à l'extérieur. Choses à côté, comme pour explorer des choses. Oui, en fait, le laboratoire, ça pourra pas être la caricature parce que les délais sont serrés. Donc, faut avoir un laboratoire à côté qui peut enrichir le travail qu'on fait de ce côté-là. Oui, ça peut se faire au quotidien, mais il y a dans une certaine limite quand même. C'est ça. C'est vraiment la caricature, c'est vraiment le temps est un facteur fondamental. Et en même temps, j'avais lu dans une entrevue où vous disiez jusque au côté peinture, parce que vous y êtes revenu il y a une quinzaine d'années, en fait, il avait fallu vous donner quelques contraintes aussi, justement, pour réénergiser la créativité, parce que devant l'univers, l'ensemble des possibles qui étaient ouverts, il y avait comme un défi aussi. Oui, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait... il n'y a pas de dichotomie ou d'antagonisme entre la contrainte et la liberté en création. Au contraire, j'ai toujours eu besoin d'avoir un certain nombre de contraintes, de paramètres bien définis pour être créatif. Et si on me dit, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, dans le format que tu veux, avec le médium que tu veux, il y a de fortes chances que je fasse rien, que j'aime la télévision, que j'ai claqué. C'est pas, mais si on me dit, là, t'as deux jours pour faire tel dessin sur tel thème, moi, ça me stimule, et j'ai besoin de ça. Puis en peinture, finalement, au début, j'avais pas cette démarche-là. Mm-hmm. Et finalement, je me la suis imposée. Ça s'est fait naturellement. Je me suis pas imposé ça, mais c'est venu naturellement, comme de définir un thème, d'explorer une thématique, ensuite dire bon, je définir un certain nombre de couleurs avec lesquelles je veux travailler, de certaines formes que je veux explorer, certaines techniques de transparence ou de collage. Donc c'est pour moi les contraintes, ça fait partie de la création. Oui, puis à la limite, en fait, j'imagine d'un côté en caricature, la contrainte de temps force un peu à sauter, à se dire ok, je prends une idée, je la développe, je me lance et j'en tire le maximum. C'est pas nécessairement la meilleure idée, mais c'est celle que j'ai, qui a été choisie en comité, qu'on a retenue. Avec la lenteur, avec le délai, est-ce que justement il y a ce risque aussi de tomber en cherchant l'idée ultime plutôt que de se lancer simplement? C'est un concept qui n'existe pas en caricature, ouais. L'idée ultime et tout ça, je veux dire, surtout j'en ai fait des milliers de caricatures, chaque jour on essaye d'aller au maximum de nos capacités ce jour-là, précisément sur ce sujet-là. Il y a des sujets qui nous allument beaucoup et des sujets qui nous allument moins. Moi, Couillard ne m'allume pas particulièrement, mais s'il se passe quelque chose de spécial dans son cas, oui, mais il n'y a pas un concept d'aller juste d'idéal. Mm-hmm. C'est vraiment, on y va chaque jour. Il y a quelque chose à livrer, à faire. On se dit, ben aujourd'hui, c'est vraiment le plus loin que j'ai pu aller aujourd'hui. Puis c'est sûr que quand on regarde par en arrière, cette journée-là, je suis allé très, très loin. Cette journée-là, bon, je suis resté plus dans les cachets du labôme, par exemple. On est plus dans le traditionnel, la caricature, mm-hmm. Confortable. Mais quand on sort, on fait des caricatures sur les événements au Moyen-Orient, sur l'avortement, sur la religion. Là, oups, sur Charlie, par exemple, qui a eu... on sort du festival. C'est Laurent dans quelque chose de plus sensible. Et en même temps, à travers ça, on l'a mentionné, donc la peinture, en fait, c'est quelque chose qui vous suit depuis les tout débuts de votre travail artistique. Vous aviez étudié en art plastique, si je me trompe pas. J'ai voulu étudier en art plastique. Je suis arrivé en 71 au cégep, puis c'est la mode, le dogme à l'époque, c'était les néoplasticiens avec Molinari, Tousignan, Joseph Albers, Mondrian, peinture extrêmement rigoureuse, l'abstraction pure, et ça se défend complètement, mais c'était pas le genre de peinture qui, moi, me tirait. J'étais intéressé par l'expressionnisme, Francis Bacon, Lucian Freud. J'aimais cette peinture-là qui autodix, qui représente la condition humaine, qui représente un rapport à la réalité. Et ça, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, j'avais l'impression que j'étais pas né à la bonne époque, ou en tout cas, je me suis dit, bon, ça marche pas la peinture, il est trop tard, ou il est trop tôt, je sais pas, ça marche, fonctionne pas. Et comme par ailleurs, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient de la BD, j'en avais fait avec eux autres à l'école, et qui faisaient des fanzines et tout ça, ben, par la force des choses, et il faut dire qu'en bande dessinée, les meilleurs dessinateurs au monde actuellement sont pas en peinture, sont en bande dessinée, il faut pas se le cacher, c'est vraiment des gars comme Möbius, c'est des dessinateurs, fantastiques, puis ils sont, ces gens-là, quand on fait du dessin aujourd'hui, je pense qu'on est attiré davantage vers la bande dessinée. Oui, puis en fait, puis comme vous dites, il y a une possibilité d'éclater le médium aussi, de faire des jonctions, de jouer avec la structure. Il y a une exploration qui se fait, qu'on perçoit peut-être un peu moins comparativement au côté des arts visuels, par exemple. Oui, puis il y a aussi, ça dépend quel genre d'artiste qu'on est, ce qu'on veut faire, mais la peinture, pour moi, elle n'a plus un rôle social dominant et fort. Elle est plutôt devenue quelque chose dans sa bulle, et moi c'est ce que j'apprécie quand je fais de la peinture, c'est parfait, mais la bande dessinée est un art beaucoup plus actif, beaucoup plus dans la société, elle est un acteur social important, elle influence le cinéma, elle influence les arts en général, c'est un art qui est lu énormément, c'est un art moderne, contemporain, qui est le rendez-vous de pleine influence, et en ce sens-là, moi ça m'intéressait parce qu'il y avait la revue Pilote quand j'étais jeune, tout ça, alors que du côté de la peinture, j'avais l'impression qu'on était en fin de parcours, on a l'impression que ça se répétait, qu'il n'y avait plus de nouveau en peinture, sinon essayer de surprendre par des excès qui n'étaient plus vraiment concluants. On se tanne, même on a des excès, on peut se tanner une peinture qui était à outrance. Et la bande dessinée, je trouvais que c'était un art plus de notre époque, comme le cinéma, par exemple. Je trouve que c'est un art inscrit dans la réalité actuelle. Et qu'est-ce que vous avez ramené vers la peinture? Parce que j'imagine qu'il y a eu un passage où vous êtes consacré entièrement à la BD, l'illustration, le dessin. Et on revient éventuellement à la peinture dans ces dynamiques de parallèle qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense que chez moi, une espèce de passion pour le silence, pour la tranquillité. C'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance. Et quand je reviens vers la peinture, il y a une espèce de territoire que je retrouve qui me comble complètement. Ce territoire-là de silence, de non-pensée que j'ai en peinture. Parce que la caricature, c'est très cérébral, c'est très mental, c'est très... L'information, il faut jongler avec les idées, les métaphores, et tout ça, c'est très exigeant intellectuellement. La peinture, c'est... On a l'impression qu'on est en communication comme direct avec la couleur, avec les formes. Bon, j'ai l'impression que je pense pas pendant des heures. Je suis juste quelqu'un qui peint, qui essaie d'être en fusion avec les couleurs, puis je mets de la musique, mais cette musique-là, je l'entends même pas des fois. Le disque est fini, je me suis même pas rendu compte qu'il a joué. Donc, je suis plus dans un état de silence et de tranquillité, puis ça, j'ai besoin de ça. Je suis revenu vers ça, et c'est quelque chose que j'adore vraiment. Et André-Philippe Côté, qu'est-ce que fait le déclic face à une pratique qui, jusqu'à récemment, était quand même un peu plus de la sphère du privé, de la sphère de l'intime, de la sphère de la nécessité aussi, d'une certaine façon, et de choisir justement de l'amener vers la sphère publique? Ça s'est fait un peu à mon corps, défendant. J'y pensais, mais je résistais. Puis même quand je me suis engagé à le faire, je me réveillais la nuit en me disant « Ah, j'annule tout, j'expose pas, je fais pas de livres. » J'avais un certain attachement à cette démarche-là qui était complètement privée. Parce que j'ai une vie publique, puis je suis pas sûr que ça me tentait que la peinture entre dans cette sphère-là. Mais finalement, bon, j'allais avoir 60 ans, les tableaux s'accumulaient. J'avais l'impression que j'avais quand même développé une masse critique de tableau où on voyait quand même une signature, un style. Donc finalement, j'ai dit, bon, je vais y aller, je vais plonger. Donc j'ai exposé. Ça s'est fait comme ça, avec un peu de résistance de ma part. Mais là, je reviens à la peinture, j'essaie d'oublier tout ça pour revenir à cet état-là de silence que je cherche. Et le fait justement que c'était pas destiné au départ à la vie publique, est-ce que ça devient un peu à la limite de parcourir justement ces planches, de parcourir le livre chez Alto, de parcourir ces œuvres-là, c'est un peu une ouverture vers votre intimité, justement, vers un autre pan de votre sensibilité. Oui, vers une autre démarche, vers un autre regard, une autre vision. Les gens vont voir dans le livre, dans les tableaux que j'ai faits, qu'il y a une influence de ce que j'ai fait dans la caricature, en illustration, dans ma peinture. Donc, je raconte quelque chose. Je dessine des situations. On a l'impression c'est presque narratif. C'est presque une figuration narrative. On peut imaginer il y a des gens qui voient toutes sortes de choses dans les tableaux, mais ça vient j'écris presque avec l'image. C'est comme si à travers la bande dessinée, la caricature, c'est presque de l'écriture. La bande dessinée, même quand il n'y a pas de texte, on narre quelque chose, on écrit. Et ça, j'ai amené ça en peinture. Et ça paraît, c'est ce qui différencie un peu ma démarche par rapport à une peinture qui est figurative, par exemple, mais qui va être plus d'ordre décoratif, qui va s'intéresser davantage aux couleurs, aux formes, aux agencements, pour arriver à une espèce d'objet qui est beau en lui-même. C'est pas ce beau-là que je recherche. Je recherche... j'ai fait des scènes, ça se passe dans des salles d'attente, c'est pas particulièrement joyeux. Pour moi, le beau, c'est quand j'arrive avec une technique qui est en parfaite harmonie avec le sujet que je veux illustrer et où on ressent bien ce que je veux signifier. C'est ce que je cherche. Et vous parlez des salles d'attente. Il y a une dynamique, on parlait de contraintes tout à l'heure. Chaque personnage qui se trouve dans cette attente-là est dessiné avec une technique, avec un esprit différent, si on peut dire, un peu dans l'esprit de magnifier leur souffrance en solitaire? Dans une salle d'attente, c'est ce que je me rendais compte, parce que tout le monde y va tous, mais chaque personne est là pour un drame quelconque. Ça peut être bénin, là, ça peut être des gens qui sont ils vont pour rien, un petit rhume, puis à côté, ça peut être une personne qui va parce qu'elle est enceinte, c'est quelque chose d'extraordinaire, puis à côté, il peut y avoir un cancer. On n'a aucune idée de ce qu'il y a, mais il n'y a rien qui transparaît, personne ne les peut pas. Je veux dire, c'est quelque chose, tout est refermé sur lui-même, et ça m'a toujours impressionné. J'ai toujours essayé de regarder les gens, essayer de deviner si c'était visible, ce qu'ils vivent, comme de quoi ça ressemblerait. Et ça s'est paru, pour moi, ça s'imposait de dessiner chaque personnage de façon très, très différente, de façon individuelle, avec chacun son drame, pour essayer de le rendre visible. Oui, puis d'explorer des manières aussi, justement, de pouvoir l'expliciter, de pouvoir nous amener à le percevoir, à le comprendre, à le ressentir, d'une certaine façon. Ça, c'est le plaisir du peintre de chercher, et je vais très, très spontanément. Il y a un moment de je peins, j'efface, je rature, je recommence, jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui apparaît, je cherche la technique, je cherche les couleurs, j'explore vraiment beaucoup là, sur chaque personnage. Et parallèlement, une figure aussi qui revient beaucoup dans le livre, ou du moins qui ressort justement de la sélection qui a été faite, c'est cette figure de l'homme-oiseau. Ouais. J'avais lu une analyse où vous disiez, dans le fond, essentiellement, c'est d'un côté la routine, le quotidien qui nous ancre, et de l'autre côté, la tête qui voudrait s'envoler, qui voudrait s'évader. Oui, c'est ça. C'est cette métaphore-là de l'être humain qui est un être d'infini, de fini, un être qui voyage mentalement, mais qui est quand même coincé dans un espace de vie limité. On retrouve ça en poésie. Je pense que c'est souvent Baudelaire qui était pour moi une influence majeure quand j'étais jeune. Chez lui, c'est continuel, cette duplicité, cette ambiguïté-là de l'être humain. Et je trouvais que l'homme-oiseau représentait bien. Dès que je l'ai fait le premier, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Puis souvent, quand je peins, je dessine des personnages, puis je peux en faire 50 avant qu'il y en ait un tout à coup qui m'accroche et qui devienne incontournable. Et des fois, je l'efface, mais le lendemain, je reviens, tu sais, il s'impose encore. Donc, c'est parce qu'à ce moment-là, je me dis, il y a un sens caché quelconque que je vais essayer de trouver. Donc, je suis revenu sur l'homme-oiseau et je l'ai exploré à travers une trentaine de tableaux. Et je crois qu'il continue à revenir encore dans les tableaux. Un état qui vous intrigue, un état qui vous turlupine, qui vous... C'est ça. C'est le moi, je trouve ça difficile à vivre, cette capacité qu'on a de la liberté incroyable de la pensée. Puis l'idée que la vie va finir à un moment donné, qu'on est limité dans notre espace, qu'on est limité physiquement. Je trouve ça déchirant. Je trouve la vie extraordinaire. Je la trouve merveilleuse. Je ne suis pas malheureux, mais c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Comment il faut habiter cette conscience qu'on a de la mort, cette conscience qu'on a de l'infini, et en même temps, comment on l'est complètement fini. Là. Oui, puis en fait, en fonction de la sensibilité qu'on a aussi par rapport justement à l'univers d'imaginaire, d'imagination, de la pensée, ça peut devenir d'autant plus exacerbé peut-être. Donc j'imagine, comme artiste notamment, c'est un imaginaire qu'on cultive, qu'on enrichit parce qu'il vient nous servir. C'est notre gagne-pain cette capacité d'imaginer. Ouais, pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Imaginer, comme par exemple, j'ai fait des salles d'attente. J'aime les salles d'attente. J'aime être dans des moments où il n'y a pas d'action possible, où on est dans une attente, où finalement, c'est la pensée qui prend le relais. Je pense que c'est Pascal qui disait que pour lui, il définissait la liberté comme la capacité de passer 6 heures assis sur une chaise dans une pièce vide sans s'ennuyer. Je trouvais que c'était une très belle définition de la liberté. Et ça va dans le sens où je disais que la pensée est quelque chose d'extraordinaire, qui voyage beaucoup, et c'est sûr qu'en tant que créateur, c'est un territoire qu'on fréquente beaucoup. Là. Et en même temps, ça me fait penser à la dernière série du livre, qui est celle des baigneurs. On parle de quiétude, on parle de moments paisibles. Ben, on est vraiment là-dedans. Il y avait deux choses. Il y avait d'abord le goût. Tout à coup, c'est bête à dire, je me suis installé dans un atelier à l'extérieur, dehors, il faisait beau. Et tout à coup, ma peinture a changé. Je ne pouvais plus dessiner des scènes grises ou sombres. Il y avait de la lumière. J'ai une piscine à tout près. Il y avait de l'eau. J'avais besoin d'entrer en lien avec tout ça. Mais il y avait aussi que c'est une figure imposée en art pendant longtemps. Les baigneurs, les baigneuses, on a vu ça chez Cézanne, on a vu ça chez plein de peintres, particulièrement au 19e siècle, où c'est peut-être parce que c'était des gens qui étaient toujours habillés jusqu'aux oreilles, puis les baigneurs, ça les existait, ou c'était le seul endroit où ils pouvaient voir les corps un peu dénudés. Mais c'est un thème qui était récurrent en peinture, et de revenir en l'an 2015, au début, je me dis, c'est absurde, ça n'a aucun sens de faire des baigneurs. Mais après ça, je me dis, mais pourquoi pas? Il n'y a aucune interdiction là-dessus, je veux le faire. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Dessiner des personnages dans l'eau, c'est particulièrement intéressant, parce que l'eau... complètement aboli les formes, aboli les lignes, tout devient flou. C'est vraiment pour un peintre, c'est intéressant. Et ça vient trancher aussi avec justement les autres sections où vous dessinez des gens aux formes, aux contours, parfois un peu exagérés, parfois un peu cauchemardesques. Oui, puis aussi, il faut dire que la bande dessinée, on cerne beaucoup. C'est une chose qui définit la bande dessinée, c'est comme chercher la ligne claire. On représente le monde, on voit le monde avec des cernes autour des formes qui n'existent pas dans la réalité, ces cernes-là. Et en peinture, généralement, c'est quelque chose qu'on a plutôt repoussé. C'est arrivé avec Gauguin qui a cerné ses formes, là, qui a fait du cloisonnisme, qu'on disait. Mais c'est pas au naturel à la peinture. Mais moi, je l'utilise en peinture parce que ça vient... J'ai toujours travaillé avec le trait. C'est magique, c'est une chose extraordinaire. Et au niveau de la sélection de tout ça, du montage aussi cette monographie-là, comment ça s'est fait? J'imagine qu'il y a eu un jeu d'aller-retour avec l'éditeur Antoine Tanguay. Oui, c'était très bien avec Antoine. D'une part, moi, je pense que lui, il est l'éditeur, c'est son métier, il connaît bien les livres. Donc, je lui disais, qu'est-ce que toi, t'en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Puis, tu sais, vraiment, je lui tendais la perche. Et très tôt, il sentait qu'il fallait qu'il y ait des thèmes, que ça soit assez homogène. Donc, on a éliminé des tableaux. Parce que j'ai un certain nombre de tableaux qui sont comme... ils sortent d'un peu de nulle part. Ils font pas partie d'une suite, qui sont un peu expérimentaux. Et ceux-là, on les a tassés pour essayer de garder une certaine unité. On a trouvé quatre thèmes qu'on a resserrés autour de ces thèmes-là. C'est ça. Et le choix aussi, on parlait du côté narratif de vos images, en fait, peut-être un peu justement l'expérience de caricature, d'illustration et le reste. J'imagine que ça a influencé aussi le choix de les présenter essentiellement sans texte, de dire, bon, OK, les images parlent déjà d'elles-mêmes. Ouais, mais ça, c'est vraiment le choix d'Antoine. Moi, au départ, j'avais plus tendance à vouloir mettre du texte comme pour expliquer, tu sais, vraiment là, une tendance à vouloir peut-être parvenir vous aussi. Je sais pas. En tout cas, je voyais du texte au début. Antoine, il voyait vraiment un livre tout en images qui parle, comme tu dis. C'est les images qui parlent. Donc, on a choisi John Porter avait écrit un texte plus substantiel. Antoine a juste gardé un extrait. Moi, j'avais écrit aussi des textes assez longs. Il m'a gardé juste trois phrases. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment, c'est son choix là, d'éditeur. Et à travers ça, est-ce que éventuellement l'appel de la mixité de ces pratiques-là dans un médium, c'est quelque chose qui peut vous allumer? L'idée, par exemple, de faire la manière de Rosinski, de Bilal, de bien d'autres, d'amener la peinture vers l'illustration, vers la BD, Dans ma vie, c'est vrai qu'il n'y a plus de cloison. C'est perméable. Tout ça se mélange. Quand je fais des caricatures, j'ai fait des caricatures où il y a des références à la peinture souvent. Il y a des lecteurs, ils ne les voient pas toujours, mais il y a certaines caricatures que j'ai composées comme certaines lois de composition qui faisaient référence à la Renaissance ou certains tableaux de composition d'images avec le nombre d'or et tout ça. J'ai fait référence à Magritte dans les caricatures, à d'autres peintres, à Picasso. Pour moi, ça communique tout ça. C'est devenu impossible de séparer l'un de l'autre. Quand je suis arrivé en caricature, on disait que j'avais un style BD, puis c'est vrai. Bon, j'ai amené en caricature mon style BD. Donc j'amène en peinture mon style de caricature. Tout ça, ça communique là. Oui, en fait, il y a une volonté. Comme on le disait, ça revient un peu à l'idée de laboratoire. En fait, l'artiste est un laboratoire perpétuel en recherche de renouvellement. On en profite pour s'amuser un peu. Il ne faut pas se battre contre soi-même. On est ce qu'on est. Je crois que c'est Dali qui disait que le style, c'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui nous tombe, qui est en nous, qui est là. On n'a pas besoin de le travailler, de le chercher. Moi, je laisse aller les choses. Ça vient comme ça. Ma vie, c'est la BD, la caricature, l'illustration et la peinture. Et on peut découvrir donc ce nouveau volet qu'on ne connaissait pas ou peu jusqu'à récemment, donc via cette monographie, donc ce livre d'art qui s'appelle L'autre côté, qui est disponible depuis avril aux éditions Alto. Il y a même aussi des estampes numériques de assez grands formats, presque le même format que le tableau. Ça, on retrouverait ça à la librairie Cartier, sur la rue Cartier, justement. Alors, on lance également l'invitation de ce côté. André-Philippe Côté, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Au plaisir. Et nous, on repart avec un petit extrait musical, toujours millimétrique cette semaine. Et voilà, avant d'aller en pause, petite mention rapide, en fait, simplement pour parler d'un album qui est arrivé, fin d'année dernière, début de cette année, je me rappelle plus trop, mais Zep, Happy Parents. Zep, vous connaissez sûrement, un auteur qui de plus en plus s'affiche comme un incontournable de la sphère du 9e art, qui a livré des séries quand même très solides, extrêmement populaires aussi, c'est quand même une superstar de la BD côté Europe et ici, je l'imagine également. Et donc, dans ce nouvel opus, il s'intéresse au bonheur d'être parent, un bonheur qui n'apparaît pas forcément à tous les moments de la vie, à tous les moments qu'on côtoie avec la grossesse, avec les nouveaux-nés, les couches, les repas qui se révèlent être des obstacles quotidiens et le reste. Alors après s'être penché sur le sexe, le rock et les filles, cette collection des Happy Books de Zep nous amène donc vers l'univers de la parentalité. Lui-même, Zep, père de plusieurs enfants, il met en scène donc une série de scènes, de scénettes, de gags, de planches qui se moquent gentiment de ces structures diverses, de ces moments divers et aussi des nouvelles familles qu'on découvre aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est pas un sujet qui va révolutionner le monde, bien au contraire, c'est un sujet qu'on a moult fois exploré dans tout autant d'univers visuels ou narratifs. Alors là-dessus, évidemment, il y a des gags sur les couches, il y a des gags sur les repas, on le mentionnait tout à l'heure. Ça reste un album qui est rigolo, qui sent le vécu, évidemment, et qui rappellera peut-être aussi quelques souvenirs sympathiques aux parents qui sont passés par là. Alors, je dirais, en fait, très simplement, un album qui ne nécessite pas qu'on traverse la rue pour absolument mettre la main dessus, mais par contre, si vous avez l'occasion de le feuilleter, de le parcourir, ben c'est à peu près certain que vous allez passer un agréable moment. 89.1. Ce vendredi, en plus du gros lot évalué à 50 millions, l'Automax offre environ 15 chances additionnelles de gagner des lots de 1 million avec les Max Millions. Pour bien commencer la semaine, venez vous dilater la rate à la Galerie Lounge avec les lundis comiques et la relève de l'École nationale de l'humour. Rencontrez nos futures stars du stand-up comique dans une convivialité lounge hors du commun. Procurez-vous vos billets à l'avance et profitez de la promotion 20$ plus consommation gratuite au choix. En pré-vente sur Eventbrite ou 20$ à la porte. Le 18 mai à 19h30, c'est lundi comique à la Galerie Lounge. 112 rue Saint-Paul, galerielounge.ca. Vous avez prévu de faire des rénovations à la maison ou au chalet? Québec Aubaine Recycle a des milliers d'articles divers pour vous. Portes, fenêtres, chauffage, plomberie, électricité, bains, toilettes, Alouette! Ils vous offrent le plus grand choix et les meilleurs prix en ville. Plus besoin de chercher. Une seule adresse pour vos travaux. 1635 Henri Bourassa à Québec. Pour en savoir plus, québecaubaine avec un S.com ou 418-529-8003. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. Prochain match, notre finale de la saison 2014-2015, dimanche 10 mai 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Enfin, le Salon de la Passion médiévale ouvre ses portes à Québec. Si le Moyen-Âge vous fascine et que vous rêvez de vivre une aventure épique, ne manquez pas l'unique Salon de la Passion médiévale les 30 et 31 mai au Cégep Limoilou. Avec plus de 80 exposants, de la musique, des spectacles en continu, ainsi que des combats de chevaliers à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com, le Salon de la Passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Toujours à l'écoute du 89.1 CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et toujours, regard sur le 9e art, et on s'en va maintenant dans la sphère de l'analyse, la réflexion, de le para-9e art, si on peut dire, et c'est une nécessaire réflexion qu'on propose. Et pour en discuter, eh ben, Jean-Dominique Leduc est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonsoir, Raymond. Et Jean-Dominique, je t'ai convié justement parce que t'as lancé en avril dernier le premier numéro d'un quadrimestriel intitulé Sentinelle, qui porte sur le 9e art et qui porte un peu sur l'idée justement d'amener une réflexion, d'animer le débat autour de du travail BD. Oui, en fait, c'était d'aborder autant l'angle sémiologique que critique et historique. Et donc, à chaque numéro, d'assembler une équipe de rédacteurs issus de divers milieux et aux occupations multiples, afin vraiment d'aborder le 9e art, tant québécois qu'international, en poussant un peu la réflexion. Donc, c'est vraiment À chaque numéro, c'est une mouture unique. Bon, il y a des choses qui se sont faites par le passé au Québec. On a notamment Formule 1 qui s'est fait. Il y a la nouvelle barre du jour dans les années 70 et 80. Donc, il y a eu sporadiquement au Québec des ouvrages de ce type-là, des aventures de ce type-là. Et j'avais envie, moi, avec ma maison d'édition Mémoire, de faire ça, surtout que ça entre, en fait, en plein dans mon mandat et que ça me permet aussi d'avoir un rendez-vous sporadique avec les lecteurs. Parce que, voyez-vous, là, présentement, je suis en train de monter un livre qui paraîtra dans 3 semaines, un livre de Jacques Sanson, lecture en bande dessinée, et j'ai passé des mois à monter ce livre-là. Et ce qui est chouette, en fait, avec Sentinelle, c'est que c'est beaucoup moins de boulot, et donc je peux donc forcément en publier davantage. Ce qui me permet, moi, d'avoir une espèce de courbe de publication et d'inviter sporadiquement les gens à s'informer, à réfléchir. Voilà, c'est l'idée autour de Sentinelle. Et en même temps, j'ai l'impression que des publications comme ça viennent un peu aussi nous permettre, comme amateurs de BD, de se donner des rendez-vous pour sortir un peu de la dictature de l'instant au niveau médiatique. Ou si on parle comme journaliste, tu le vis, j'imagine, autant que moi, où on est constamment dans la nouveauté et oui. Finalement, il y a une dictature de l'actualité. Là. C'est très juste, Raymond. En fait, je dois dire que en deux temps, ce désir-là de tabler sur une revue, c'était d'abord d'offrir une publication que moi, comme lecteur, j'aimerais acheter et lire. Et comme personne ne le faisait, je me suis dit, ben tiens, je vais le faire. Et l'autre chose, effectivement, c'est que dans notre travail de chroniqueur, de journaliste, on est constamment à l'affût de la nouveauté. Et c'est très éphémère et je trouve que parfois dans ce travail-là, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ça vient un moment où on a comme l'espèce de cerveau qui tourne à vide. On est bombardé d'images, de récits, on lit un à la suite de l'autre et on n'a comme plus de repères, on n'a plus d'accroche historique. Mm-hmm. Et justement, j'avais moi envie, comme chroniqueur, de prendre le temps de réfléchir et de parler de trucs qui sont nullement liés avec l'actualité et de bénéficier de plus de 500 mots pour le faire aussi. Parce que, tu le sais, en journalisme, le nerf de la guerre, c'est l'espace. Quand on blogue ou quand on écrit dans un journal, on est contraint, mais vraiment de façon assez forte au niveau du nombre de mots dans lequel on peut s'exprimer. Donc, évidemment, quand on a 250 mots, 500 mots pour analyser, pour exprimer quelque chose, il faut aller toujours au but, rapidement. Et donc, dans ce format-là, à 4 à 5 000 mots, ça nous permet, bien que je trouve que c'est encore très bref, ça permet quand même de pousser un peu plus, d'explorer, de creuser un sillon. Et justement, ça nous dégage un peu de la nouveauté. Et parallèlement, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a vraiment une mixité de styles aussi, dans la mesure où, de ton côté, comme d'autres collaborateurs, tu as un ton un peu plus d'historien de la BD, peut-être, à certains égards. Dans ton approche, il y a des articles qui sont beaucoup plus de la critique et de l'analyse. J'ai le plaisir de collaborer aussi à Sentinelle, mais plus avec un ton, justement, journalistique, des entrevues. Donc, il y a une volonté, j'imagine, d'éclater un peu, de pas se retrouver avec juste des articles d'analyse, avec juste un gros magazine journalistique, avec juste l'histoire, mais vraiment... Non, effectivement, il faut varier les plaisirs, parce que c'est l'exercice, et justement, c'est le piège dans lequel je ne veux pas tomber avec Sentinelle. Comme je veux me sortir de l'actualité, de la nouveauté, c'est certainement pas pour me rembarquer dans un projet éditorial où il y a quelque chose d'unifié au niveau du ton ou au niveau du contenu. Au contraire, le plus beau compliment qu'on me fait avec Sentinelle, c'est qu'en fait, les lecteurs répondent différemment aux articles. Il y a des gens qui, ils ont une portée plus historique, ils vont prendre leur pied avec tel type d'article. Ils vont quand même lire tout le numéro. Mais c'est ça qui est chouette, en fait. C'est de proposer un éventail pour essayer, justement, d'élargir les horizons et de varier les plaisirs. Et d'amener, en fait, ou de faire des rappels aussi, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment le cas de l'article que de ton côté, le sujet que tu as choisi d'explorer dans le premier tome de Sentinelle, où tu nous dis, il y a un auteur qui s'appelle Jocelyn Hood, et vous devriez le connaître. Voici pourquoi, voici ce qu'il a fait. Oui, là, il faut dire que je me suis fait plaisir, parce que c'est un article qui a été précédemment publié dans Trip, qui est une revue qui sort une fois aux 2 ans, et qui est une revue, mais vraiment très, très poussée, là, 200 quelques pages sur des textes d'analyse et tout ça. Et donc, Marc Tessier m'avait lancé l'invitation d'écrire un article. Donc, dans un premier temps, j'ai écrit une première version de cet article-là, mais étant contraint tant dans le visuel que dans, évidemment, le nombre de mots, mais aussi parce que je n'avais pas terminé mes recherches. Donc, j'ai livré une première version d'article. Mais bon, j'étais plus ou moins satisfait. En fait, j'étais insatisfait. J'ai continué mes recherches entre-temps et j'ai découvert un paquet de trucs. Donc, quand l'idée m'est venue de Sentinelle, c'est quand même un projet qui, à la base, quand j'ai lancé Mémoire, c'était un projet auquel je voulais arriver. Mmh. Mais évidemment, il fallait prendre le temps de publier les premiers ouvrages. Il faut prendre le temps de faire les choses. Et donc, quand est venu le temps de m'asseoir devant l'ordinateur et de me dire « OK, je me lance avec Sentinelle », j'ai eu envie de reprendre cet article-là et de me faire plaisir et de me dire « OK, j'ai envie de parler d'un auteur dont très, très peu de gens ont lu et le connaissent. Pour moi, il m'apparaît très, très clair que Jocelyn Hood était un très, très grand artiste. Et ce qui est très intéressant, tant dans son parcours que dans sa démarche, c'est que justement, il ne se rattachait pas du tout à l'actualité, il n'était pas du tout dans les tendances. Et je me désole, en fait, que le seul album qui a été publié, mais vraiment un grand registre, c'est Les Derniers Corsaires aux éditions de la Pastèque, qui est un extraordinaire album. Moi, j'ai chez moi, en fait, pratiquement tout ce que Jocelyn Hood a fait. Mm-hmm. Mais ça m'a pris des années à ramasser à gauche, à droite. Il y a des trucs que j'ai payés très cher parce que Jocelyn Hood s'auto-éditait lui-même et donc tirait des trucs à 30, 40, 50 copies. Et quand je plonge, moi, dans ce corpus-là, je trouve ça hallucinant. C'était vraiment un être doté d'un génie graphique extraordinaire et c'était un illustrateur qui se préoccupait de raconter une histoire. Alors, rapidement, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est joint à Marc Richard, qui est un scénariste, mmh. et donc, ils ont développé ensemble une série de projets. Et donc, c'est très, très rafraîchissant de voir, par exemple, que dans une des rares entrevues qu'il a accordées au Soleil en 1999, alors, lui, il voyait un problème dans la bande dessinée générale, mais surtout québécoise, il voyait le problème du récit. Et ce qu'il disait, en fait, pour le paraphraser, c'est que la bande dessinée québécoise ne racontait pas forcément grand-chose. Et là, on se ramène au début de la pastèque, au tout début de Mécanique Générale, et donc on vient de traverser une décennie, les années 90, qui a été assez difficile pour la bande dessinée québécoise. Notamment, on a assisté à la mort du magazine Cro. Pignouf, une revue jeunesse qui a tenté d'être lancée, qui a connu quoi, 5 livraisons. Safarir, qui de moins en moins publiait de bandes dessinées. Donc, bref, une décennie assez morose. Et lui, qui sort de nulle part, tire ce constat-là et vraiment encolore sa démarche. Moi, je trouvais que c'était important de parler de cet auteur-là. Et si ce type d'article-là réussit à donner goût au lecteur d'explorer, que ce soit mon article ou peu importe quel article, eh bien, moi, je dis mission accomplie avec Sentinelle et c'est vraiment, je l'ai dit tantôt, mais pour moi, ce projet-là, je l'ai lancé d'un point de vue de lecteur. C'est-à-dire, je me suis dit, moi, j'aurais été content de découvrir Jocelyn Hood, j'aurais été content qu'on me parle de sociofinancement, comme ton article, qu'on me parle des ICI Comics, et donc, c'est d'abord le lecteur en moi qui se fait plaisir avec ce projet-là. Ben bon, ensuite, il y a toute cette volonté-là de s'inscrire dans un cadre éditorial, dans une ligne éditoriale aussi, et d'offrir au lecteur québécois de dire, bon, écoutez, on va avoir un rendez-vous sporadique, vous et nous, donc une fois aux 4 mois, on va varier les plaisirs, et puis ben, on verra où ça nous mènera. Et en même temps, tout ça aussi dans un contexte où j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus justement de volonté d'animer le milieu de la BD au-delà de la production BD en tant que telle. Tu mentionnais en début d'entrevue, Jean-Dominique Leduc, plusieurs magazines. Il y a aussi, bon, l'EMI qui semble vouloir mettre de plus en plus de l'avant justement la recherche autour du 9e art. Il y a des collègues, des activités à Montréal. Quand on regarde le festival de BD à Montréal autant qu'à Québec, il y a des conférences de plus en plus aussi. Il y a Michel Giguère à Québec qui l'anime comme ça ou également. Donc, il y a vraiment... J'ai l'impression d'une volonté qui n'est pas nécessairement concertée pour le moment, mais d'amener le milieu un peu plus loin, dans la mesure où on se dit, un milieu peut pas évoluer s'il réfléchit pas sur lui-même, si on lui donne pas des cadres, des moments pour mettre en relief peut-être un peu ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se produire ou ce qui s'est produit au fil des années. Oh oui, tout à fait, parce que il faut toujours, et ça, je trouve que, bon, évidemment, le nom de ma maison d'édition, Mémoire, c'est pas un accident, là. C'est-à-dire qu'on a un, je trouve qu'on a un grave problème au Québec dans à peu près toutes les sphères, hein, ceci dit, et pas juste que dans la, pas juste dans la bande dessinée. On a vraiment du mal avec notre mémoire, avec notre bagage, et moi, je m'étonne de discuter avec des jeunes auteurs dans la vingtaine qui ont justement aucune idée de qui est Sombre Vilain, le personnage et la série éponyme de Jacques Urtubise. Mm-hmm. Et Sombre Vilain, dans les années 70, a fait l'objet d'un strip dans le journal Le Jour pendant 2 ans. Écoutez, c'est considérable. Et à l'époque, Jacques Urtubise, c'était un très, très jeune auteur. Et la qualité de ça, de ses bandes, même encore aujourd'hui, on lit ça. Et je veux dire, il y a bien des trucs qui se produisent présentement qui n'arrivent mais vraiment pas à la cheville de ça. Et pourtant, j'ai parlé avec quelques auteurs de Sombre Vilain et je voyais vraiment l'absence dans les yeux. Je me disais, mais ça n'a aucun sens. Comment se fait-il qu'on... Comment peut-on créer, comment peut-on avoir une démarche artistique dans un médium donné quand on n'en connaît pas son histoire? Alors, on invite les gens justement à aller rencontrer, à profiter évidemment des différents titres des éditions Mémoire, mais notamment aussi de ce Sentinelle volume 1 qui est disponible notamment sur le web. Donc en cherchant simplement Mémoire avec un 9 à la place du O, on va trouver tout ça. Jean-Dominique Leduc, nous on se dit à la prochaine. Écoutez, c'est toujours très court, hein? Oui, c'est toujours très court. Faudrait se prendre une heure à un moment donné. Oui, ben écoutez, merci beaucoup, Raymond. C'est toujours un plaisir. Et puis, j'en profite pour saluer les auditeurs de Québec. Excellent. Salut bien. Merci beaucoup, Raymond. Alors voilà, donc, tome 1 de Sentinelle qui, je le rappelle, est disponible depuis avril dernier. Un dernier petit extrait de Millimétrique ici à La Vie en BD. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. On parlait d'analyse, de réflexion autour du 9e art. Eh bien, il y a un très beau rendez-vous ce mercredi 13 mai, 19h, à la bibliothèque Gabriel-Leroy. C'est les rendez-vous de la BD avec une thématique qui s'appelle Imaginaire débridé, imaginaire transposé, le merveilleux, le fantastique et la science-fiction de l'œuvre littéraire à la BD. Michel Giguère est avec nous pour en parler. Bonjour. Salut Raymond Poirier. Et Michel, en fait, d'emblée, est-ce que ça s'inscrit un peu, cette thématique-là, dans ce qui s'est développé au fil des 10 dernières années au rendez-vous de la BD, donc des séries thématiques qui sont réparties sur quelques soirées, ça? Ben oui, absolument. Sauf que, tu sais, ces séries-là sont pas préméditées. Ça s'impose de par l'affolante abondance de titres, et puis peu importe le thème. Je me fais prendre à chaque fois à sous-estimer l'ampleur du sujet et, ce faisant, l'ampleur de la tâche, mais ça, c'est une autre histoire. Et, par exemple, en octobre dernier, j'avais programmé une soirée dans le cadre du Festival littéraire Québec en toutes lettres sous le titre « Transfuge et transposition ». Et dans mon incommensurable naïveté, j'avais imaginé pouvoir embrasser l'ensemble de la production, mais finalement, cette soirée-là, j'ai ni plus ni moins présenté les transfuges, ce que j'appelle les transfuges, c'est-à-dire les écrivains qui deviennent scénaristes de BD, mais pas vraiment les œuvres littéraires transposées en BD. Et donc, 6 mois plus tard, ben, tu reviens sur les transpositions, mais en circonscrivant, si on peut dire, ton sujet, en te limitant à ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, donc le merveilleux, le fantastique, la science-fiction. Oui, exact. Et puis tu vois, même à ça, il y en a tellement... Regarde, je donne un exemple là, de ce que je vis. Là. On fait un parallèle avec les déménagements. Il y a sans doute des auditeurs là, qui s'apprêtent à déménager. Eh bien, vous savez, quand on vide un placard, là, c'est hallucinant. On a toujours l'impression d'être arrivé au fond. Puis là, on regarde comme il faut. Ben non, il en reste. Encore. Alors, ça ressemble à ça quand je fais mes préparations. Et il y a deux explications à ça. Ce phénomène-là du monstre qui grossit tout le temps. Là. Premièrement, je suis incapable de présenter les titres à la mode ou les BDistes en vogue ou les genres au goût du jour sans les situer dans un continuum, dans une espèce d'arbre généalogique, sans identifier la source, d'où ça vient. Deuxièmement, par rigueur professionnelle, je me limite pas aux genres de prédilection qui sont les miens. Bon, dans ce cas-ci, par exemple, moi, je suis plus fantastique que merveilleux ou science-fiction. Même chose pour les styles aussi. Je me limite pas à ce qui me tente. T'sais, des fois, je m'impose un tas de lectures que j'aurais pas lues peut-être autrement. Eh bien, à chaque fois, je me félicite de cette espèce de parti pris-là, de cette règle de conduite, parce que parmi les œuvres qui m'inspiraient moins, j'en découvre immanquablement qui sortent du lot, qui, même si à prime abord elles semblent stéréotypées, formatées, eh bien, elles m'embarquent, m'étonnent, m'impressionnent. Finalement, ben, on pourrait dire qu'elles confondent le sceptique en moi. Et puis, tu sais, Raymond, faire valoir que la BD, c'est pas seulement destiné aux ados attardés, là, c'est pas le seul préjugé que moi je tiens à faire tomber. Je déplore tout autant que des intellos branchés qui lisent uniquement des romans graphiques lèvent systématiquement le nez sur la BD dite commerciale. Fait que des fois, là, j'ai des échos après coup de gens qui disent « Ouais, je me suis laissé tenter par telle affaire. T'sais, j'aurais jamais lu ça, mais vraiment, c'est intéressant. » Et en même temps, dans un contexte, justement, où on essaie de rendre justice au fait que l'offre est diversifiée, que les esthétiques sont variées. Eh bien, tu vois, ça, c'est un heureux problème. En fait, un atout considérable pour un médiateur, un animateur comme moi, face au défi de soulever l'intérêt puis de le maintenir aussi, l'intérêt d'une assistance là, qui est devant moi pendant près de 2 heures. Donc, il y a beau y avoir un seul thème, il est représenté dans tellement de styles différents, de techniques, de médiums, de tons, d'approches, que finalement, il y a beaucoup de diversité puis on va de surprise en surprise. Bon, exemple. Faisons un petit parallèle entre 2 transpositions en images de 2 publications à l'origine qui n'étaient pas très éloignées dans le temps à l'époque, c'est-à-dire Le Tour d'écrou d'Henry James en 1898 et Fantomas de Souvestre et Alain, ça c'est une série de romans à partir de 1911. Eh bien, Hervé Dufaux, en adaptant Le Tour d'écrou, choisit le classicisme absolu, la ligne claire, des couleurs en aplats, la lisibilité à tout prix, l'absence d'effet, de tape à l'œil. Donc, c'est comme s'il s'appliquait à recréer visuellement le conservatisme de l'Angleterre victorienne et non pas l'étrangeté des phénomènes surnaturels qui surviennent. Donc, l'ambiance qui est suscitée par son graphisme, ça prédispose pas vraiment le lecteur à l'irruption du surnaturel qui, d'ailleurs, lui-même est figuré et représenté très, très, très sobrement. Résultat, c'est comme si le carcan social de l'époque du 19e siècle est super présent, au point que le lecteur il est plus enclin à être sceptique. Il est comme un petit peu l'entourage de la gouvernante dans l'histoire qui, elle, est persuadée de voir des revenants. Donc, c'est comme si l'inexplicable paraît incongru au lecteur. À l'opposé, pour le triptyque La colère de Fantomas, illustré par la Québécoise Julie Rochelot, eh bien, elle met à contribution tous les artifices visuels possibles. Rythme trépidant, mise en scène survoltée, mise en page éclatée, couleurs vives, couleurs très très contrastées aussi, visage, posture très expressive. Elle a recours à la fois à l'expressionnisme et à l'impressionnisme, donc la totale. Or, Fantomas, ça c'est à cheval sur 2 genres, le récit policier et par ailleurs le fantastique, mais dans sa forme la plus sage, le fantastique expliqué qu'on appelle, où est-ce que les phénomènes paranormaux trouvent après coup une explication rationnelle. Donc, le criminel Fantomas a pas de super pouvoir, lui. Il fait illusion. Il met en œuvre des trucs pour frapper l'imagination de ses victimes et des autorités. Et Rochelot, elle se met de son côté. Elle se met du côté du criminel Fantomas. Et puis, elle, tout comme lui, elle met tout en œuvre pour créer créer une atmosphère fantasmagorique. Donc, deux approches complètement différentes. Et Michel Giguère, défi de définition, peux-tu nous situer dans les trois genres? Donc, comment on établirait sommairement le merveilleux, le fantastique et la science-fiction? Ben oui, ça s'impose hein, pour poser des balises. Sauf que il faut pas les interpréter de manière restrictive ou exclusive. D'abord parce qu'au fil des décennies, les limites ont été de plus en plus transgressées entre ces genres-là, et puis les genres ont été, à un moment donné, carrément pervertis aussi, et bien tant mieux, là. Mais pour résumer, disons que Le Merveilleux propose un univers qui est distinct du nôtre, un univers qui est cohérent en soi, et à l'intérieur duquel les phénomènes extraordinaires sont admis. Où est-ce que, par exemple, personne s'étonne de l'existence des dragons ou des licornes? Où est-ce que personne s'étonne que les animaux parlent, que les magiciens soient pas juste des illusionnistes, puis que les sorcières soient pas juste des belles-mères acariâtres? Le Merveilleux, notamment, comprend le sous-genre, très prolifique depuis Tolkien, de l'heroic fantasy, qui est du merveilleux matinée de médiéval et de chevalerie. À ne pas confondre l'heroic fantasy avec le fantastique qui, lui, s'inscrit dans le réel, dans notre monde. Un réel où, à un moment donné, surgit le surnaturel, l'inexplicable. Et ça, à ce moment-là, ça engendre tantôt la frayeur, tantôt le scepticisme des personnages, ou carrément la folie. L'aspect psychologique ici est toujours assez important. Alors que finalement, dans la science-fiction, ben on est transporté soit dans une civilisation lointaine ou encore dans le futur de notre propre civilisation. Et il y a normalement une dimension scientifique ou technologique très forte et souvent une portée philosophique ou une critique sociopolitique. Et tu évoquais en début d'entretien l'importance de souligner l'origine des courants, des genres. Donc dans ce cas-ci, tu es remonté jusqu'où? Ben exemple, faire remonter la source de l'heroic fantasy jusqu'au Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu de l'ignorance crasse, là. Le récit fondateur est bien antérieur à ça, c'est la légende arthurienne avec les chevaliers de la Table Ronde, la quête du Saint Graal, Merlin, etc. On connaît l'histoire. Ça, c'est un mythe qui est la fusion parfaite du récit de chevalerie et de la mystique chrétienne. Tout aussi incontournable, les mythologies scandinaves qui ont donné le célèbre opéra de Wagner, mais aussi deux séries BD, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux de notre ami JF. Et parlant de mythologie, ben il reste un tout petit pas à faire pour parvenir à la mythologie gréco-romaine, terreau d'à peu près tout le merveilleux, puis aussi de l'héroïsme occidental. On pense à l'Iliade et l'Odyssée, Achille et Ulysse, mais aussi Icare, Édipe, Hercule, la présence des dieux qui interviennent, les créatures mi-animales, mi-humaines, comme les minotaures, les centaures, et même les loups-garous, qui n'avaient de différent que le nom, quand même, déjà. Et pour finir, pour ce qui est des non-croyants, des adeptes d'autres religions que les religions monothéistes, monothéistes, l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, dans le fond, là, ça relève souvent du merveilleux, avec exemple Noé puis son arche, ou Moïse qui fait s'écarter les eaux, Jésus qui multiplie les lépreux. Ça, évidemment, c'est... Est-ce que tu as lu Sacré Jésus de Tronchet? Et en terminant, Michel, il nous reste peut-être à peu près 45 secondes. Est-ce que tu peux nous lancer quelques noms à la volée pour nous mettre en appétit en route vers, je le rappelle, la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD qui a lieu mercredi prochain, 13 mai, à 19h, sans nécessité de réservation à la Bibliothèque Gabriel-Leroy? Alors, dans le désordre, vraiment, pour donner le goût, comme tu dis. Le Pinocchio de Bonifay et celui de Winchless aussi. Le Peter Pan de Loisel. Coraline, d'après Neil Gaiman. La légende de Dritz, d'après Salvatore. Le Trône de Fer. Le Docteur Jekyll, Dorian Gray. Faust, la métamorphose, d'après Kafka. Edgar Allan Poe et Lovecraft. Stephen King et Clive Barker. Les Vampires d'Anne Rice. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Frankenstein, Dracula. Et puis du côté science-fiction, Jules Verne, H.G. Wells, Philip K. Dick, Bernard Werber, et puis aussi côté heroic fantasy, Anne Robillard. Alors le spectre est large. Et bien voilà, l'invitation, je l'espère, elle est lancée et bien lancée. En plus, c'est le dernier des rendez-vous de la BD de cette saison. Et nous, Michel, on se dit à mercredi, évidemment. Et sinon, ben en septembre. Voilà. Ciao. Salut bien. Alors voilà, donc ce qui conclut cette édition de La Vie en BD, c'est Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les ondes du 89.1 dans quelques instants. Swing out!